Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Clémentine Mosset. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast, il est financé par la NEF. La NEF, une coopérative bancaire que tu connais bien, puisque c'est une coopérative bancaire citoyenne lyonnaise qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Clémentine, tu es la présidente fondatrice de l'association lyonnaise The Greener Good. On est à Lyon. Ensemble. Et toi, du coup, tu travailles à accompagner avec ton association les citoyennes et citoyens vers un mode de vie et de consommation plus éco-responsable et éthique, notamment via la mise en lumière d'initiatives locales, mais aussi, et c'est pourquoi je te donne la parole aujourd'hui, tu organises en particulier chaque année un grand week-end de rassemblement et de sensibilisation à ces sujets, toujours à Lyon. Je parle bien entendu du Greener Festival. Nous parlerons donc de transmission du savoir, d'événements engagés et plus largement, j'ai envie de discuter avec toi de comment nos actions, elles doivent être sans cesse questionnées, réévaluées, peaufinées et pourquoi c'est aussi important parfois d'aligner le fond et la forme pour construire le plus vite possible les 2030 glorieuses. On commence. La première question que je te pose, Clémentine, pour lancer cet échange, c'est la question maintenant traditionnelle de lancement de notre interview. On rencontre quelqu'un, toi là, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et arrive cette fameuse question que tout le monde redoute et presque déteste. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? En général, je réponds que ça se résume pas en une phrase parce que je fais beaucoup de choses. Donc, on va dire que je suis un petit peu engagée à temps plein pour la transition écologique. Et voilà, que ça m'occupe quand même une bonne partie de mon temps hein, parce que finalement, c'est aussi une passion pour moi. Donc, comme tu l'as dit, je suis présidente fondatrice de l'association The Greener Good. Et à côté, je suis également engagée dans une autre structure qui est l'Institut Transition. Donc là, avec plus des actions de coordination, de formation, voilà, qui m'occupent une bonne partie de mon temps. Et donc, j'aime beaucoup transmettre. Voilà, on va dire que c'est une des caractéristiques de mes activités. Donc parmi mes actions, que ce soit au sein de The Greener Good, de l'Institut ou d'autres enseignements que je donne, il y a cette question de transmission et de donner aux personnes envie d'agir dans leur quotidien et de s'engager pour la transition écologique. Aujourd'hui, moi, j'essaie de te parler avec ta casquette d'organisatrice d'événements durables. Et tu l'as dit, tu as plein de casquettes. Tu es présidente fondatrice d'une association, tu animes une équipe de bénévoles, vous avez des temps de rencontres mensuels pour recruter, former des militants à Lyon sur ces sujets. Tu l'as dit, tu es formatrice à l'Institut des Transitions. Il y a plein d'autres choses que tu fais. Et si de temps en temps, tu as envie d'intervenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on va vite rentrer dans un podcast qui va durer 4 heures. Et c'est souvent d'ailleurs, et je me rends compte de plus en plus, la particularité des personnes que j'interviewe, elles ont souvent plusieurs casquettes. Toujours est-il que ces casquettes, elles t'ont amené, tu l'as dit avec ton engagement qui est intense, hein, à être l'une des personnes les plus reconnues à Lyon aujourd'hui sur ces sujets. Tu fais la moue, mais c'est la vérité. À Lyon, quand on parle d'écologie, en général, The Greener Good vient dans les premières associations qu'on cite. Toi, Clémentine, avec ton engagement, avec le réseau que tu as pu acquérir aussi ces dernières années, tu es vraiment une de ces personnes ressources. Et pourtant, ta première vie professionnelle, elle n'avait rien à voir avec ça. Absolument pas, oui. Effectivement, même si les questions d'écologie me touchent depuis très longtemps, depuis que je suis au lycée, j'ai un parcours scolaire qui n'a rien à voir, puisque moi, j'ai suivi un peu... ce que la société m'incitait à faire, hein, voilà, donc bac S, bon élève, bonne note en matière scientifique, ok, tu peux faire prépa, tu peux faire médecine, pourquoi pas prépa, il y en avait une dans mon lycée, donc j'y suis allée un peu par hasard, et puis comme je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, à la fin de ma prépa, je me suis dit, j'ai choisir une école d'ingénieur généraliste. Comme ça, ça me laisse toutes les portes ouvertes. Et j'ai choisi l'école centrale de Marseille. Un cursus scolaire qui ne m'a pas forcément passionnée. Hein. Alors, c'était du haut niveau en termes d'apport. Moi, ce n'était pas forcément là où je m'épanouissais. Par contre, là où je me suis vraiment épanouie pendant mes études, c'est dans le milieu associatif. Voilà, parce que j'étais déjà très, très férue d'engagement associatif, que ce soit dans l'association écolo du campus ou dans d'autres engagements. Il a fallu commencer à travailler et je savais pas ce que je voulais faire. Voilà, je savais juste que la ville de Lyon m'avait bien plu. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'atterrir à Lyon pour changer un petit peu de ville. Et j'ai trouvé mon premier boulot dans un bureau d'études dans le domaine ferroviaire. Et je suis restée un an dans ce bureau d'études. Et après, avec ma casquette, du coup, transport, ça y est, sur mon CV, j'avais enfin une sorte d'étiquette. Ça m'a amenée dans un autre bureau d'études dans les transports urbains, cette fois. Et là, pour le coup, pendant 6 ans et demi, j'avais une expertise assez fine, puisque j'ai été ingénieure en signalisation lumineuse tricolore. Hein, donc, un terme que personne ne connaît, puisqu'en gros, je m'occupais de faire fonctionner les carrefours à feu tricolores et notamment... ceux qui sont en interface avec les tramways ou certains bus. Je concevais les algorithmes qui faisaient que les tramways ou les bus sont prioritaires sur le trafic routier. Voilà, une expertise assez de niche. Pour ma première expérience professionnelle. Et à côté de ça, tu as lancé The Greener Good sans attendre, puisque nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein. On s'est rencontrés en 2016, si je ne dis pas de bêtises, au moment où tu avais déjà lancé une fois le festival qui à l'époque s'appelait Everyday Heroes, hein, si je ne dis pas de bêtises, et tu lançais une deuxième édition à Lyon et à Paris, et tu m'avais invité à intervenir à Paris. C'est de mémoire la première intervention que j'avais jamais réalisée et le premier atelier que j'avais jamais réalisé. Donc, on s'est suivis, on s'est vu évoluer, mais je t'ai vu aussi toi évoluer et te poser des questions sur la place de plus en plus forte que prenait ton engagement et sur comment trouver un équilibre avec ton métier, avec ta quête de sens, avec aussi forcément des questions financières qui peuvent pas être mises de côté. Est-ce que tu peux nous raconter très succinctement, je sais que j'ai envie de rentrer dans le détail de ce que tu fais actuellement, que tu nous racontes le festival, etc., etc., mais j'ai quand même envie que tu nous partages les 2-3 étapes clés qui ont fait qu'aujourd'hui tu peux dédier l'intégralité de ton temps et même plus à ces sujets. Les étapes clés pour moi, donc comme tu l'as dit, j'ai lancé l'association il y a 5 ans quand j'étais encore en poste. J'étais salariée et en fait là j'ai eu l'intuition que c'était vraiment quelque chose qui me portait, qui allait grandir. Donc j'ai tout de suite demandé à mon employeur de passer à temps partiel. Je suis passée au 4-5e, donc j'avais mes vendredis à consacrer au développement de l'association. Voilà, pour moi c'était la première étape importante. Après je suis passée au 3-5e pour dégager plus de temps parce que l'association grandissait, les événements se développaient. Et puis à un moment, clairement, il y avait un choix à faire. Hein. C'était soit je me consacrais au développement de l'association, soit j'arrêtais pour me consacrer, on va dire, à ma carrière d'ingénieur. Sauf que clairement, mon cœur me portait très clairement vers le choix de l'association The Greener Good. Et donc, après des âpres négociations, ça n'a pas été évident, hein, mais j'ai pu finalement obtenir une rupture conventionnelle à l'été 2019. Et c'est ça qui m'a vraiment permis du coup de consacrer une bonne partie de mon temps au développement et à la consolidation de l'association, voilà, vraiment la stabilisation d'une équipe, développement d'autres projets à côté, et puis aussi c'est là que ça a coïncidé avec mon entrée dans l'Institut Transition, en fait dans l'équipe fondatrice de l'Institut, qui maintenant me permet effectivement d'avoir cette indépendance financière avec les revenus que j'ai grâce à toutes les formations que je donne et d'autres missions que je prends en charge. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ton parcours. Et souvent, on a du coup l'image de l'entrepreneur social qui quitte tout, qui se lance, qui réussit coûte que coûte à porter cette flamme. Et toi, tu as, je dirais pas un exemple inverse, mais tu montres finalement qu'on peut aussi réussir à concrétiser ses envies, ses passions, cette quête de sens sur le temps long, en y allant pas à pas. Tu as réussi à segmenter ton envie de te donner à temps plein à ces sujets écologiques avec, comme tu l'as dit au début, un 4-5e, et puis ensuite un 3-5e, et puis ensuite une négociation. Et puis après, tu as réussi à créer ce vide enfin dans ta vie, et ce vide, ben, tu l'as rempli avec l'activité de l'association, mais tu as réussi aussi à avoir les formations qui sont venues. Voilà. En tout cas, je trouvais que c'était très intéressant, important d'avoir ton témoignage pour ces personnes qui n'arrivent pas à se lancer. Et par ton exemple, tu donnes une autre voie, tu montres qu'il y a d'autres possibilités. Et ça, c'était vraiment, vraiment important. Aujourd'hui, vas-y, tu veux prendre la parole, tu peux m'interrompre, tu sais, on est face à face, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste effectivement compléter ce que tu disais, parce que je pense qu'il faut aussi s'écouter et se connaître, c'est-à-dire que moi, j'aurais jamais pu, du jour au lendemain, sauter dans le grand bain sans trop savoir ce qui m'attendait, parce que voilà, moi aussi, j'ai des peurs, des insécurités, et c'est une caractéristique que j'ai en général dans ma vie, quand j'y vais, mais voilà, j'y vais en ayant... pris en compte un contexte, le fait que j'ai besoin d'être sécurisée aussi par ailleurs. Et donc, voilà, je pense que, comme tu l'as dit, c'est important aussi de voir que quand on entreprend, on n'a pas forcément à tout plaquer, mais on peut tester. Et si on voit que ça marche, après, tester de plus en plus loin jusqu'à faire le grand saut à un moment, mais que ce soit bien maîtrisé. Et c'est ce que tu as fait. Et maintenant, donc, on va rentrer dans le cœur de ce que vous faites avec The Greener Good. Et tu m'excuses d'avance de réduire presque l'activité de Greener Good, qui est très complète, avec notamment des guides et tout un tas de choses que vous pouvez, et je vous invite les personnes qui nous écoutaient à aller sur le site directement, sur les réseaux sociaux de Greener Good, parce que même si c'est une association lyonnaise, je trouve que dans la dynamique, c'est assez inspirant de voir ce que vous faites, et ça peut même sans doute inspirer d'autres personnes à créer les mêmes mouvements dans des villes où il n'y aurait pas encore cette mobilisation associative forte. Mais donc du coup, il y a quand même cet événement phare qui prend, on va le dire, beaucoup de ton temps, et qui a eu lieu là il y a quelques semaines, en octobre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consiste, nous donner ces images qui vont nous permettre de projeter là-dedans ? Donc le Greener Festival, c'est vraiment un des éléments au cœur de l'association, puisque j'ai créé l'association pour créer des événements fédérateurs, inspirants, qui accompagnent justement les personnes qui se posent des questions sur leur mode de vie, qui ont envie de découvrir des alternatives, à vraiment passer à l'action. Et donc pour vous imaginer à quoi ça ressemble maintenant, donc il faut s'imaginer un petit château, puisqu'on on l'organise tous les ans. On se refuse rien. Voilà, on est dans un chouette cadre à Lyon, dans le 3e arrondissement de Lyon, un château qui s'appelle le château de Montchat. Ce bel environnement, on organise à la fois un très grand nombre de conférences et d'ateliers. Ces deux dernières années, c'était 70 conférences et ateliers sur plein de sujets. Donc on parle d'alimentation. Sur deux jours. Donc c'est vrai que c'est des programmes qui sont très très denses, mais l'idée c'est que les participants puissent faire leur propre menu, en fait, se dire je vais aller participer à un atelier pour apprendre à cuisiner plus végétal, et puis ensuite je vais participer à une conférence sur la finance éthique, et puis ensuite je vais aller faire un tour parmi les exposants, puisque c'est notre dimension du festival. Cette année, il y avait à peu près 80 exposants qui étaient là, à la fois des associations, mais aussi beaucoup d'entreprises, de créateurs, pour accompagner les personnes dans plein de sujets. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on balaye en fait tous les domaines de la vie quotidienne, l'alimentation, numérique. C'est important de le dire. Il y avait un réparateur de vélo, il y avait des personnes qui vendent tout le kit pour vivre zéro déchet, il y avait des bières locales, et c'est du concret en fait, ce qu'on se disait en off, et du coup je le redis souvent, c'est vrai que moi quand j'allais un peu sur ces salons connotés écolo, on se retrouvait vite avec des pierres de d'énergie et des bols tibétains et du coup c'est non pas que je critique et que je dénonce ces sujets là, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis pas assez sensible, et vous c'est vraiment pas ça. Non, nous, c'est vraiment voilà, du pratico-pratique, enfin, à la fois avec, voilà, comme je disais, on va être sur l'accompagnement des personnes à transformer leur quotidien pour aller vers un quotidien plus éco-responsable, plus en accord avec les enjeux écologiques qu'on connaît. Il y a aussi des temps d'inspiration, mais effectivement, qui vont rester autour de ces thématiques-là. Donc, effectivement, on ne va pas aller sur des aspects spirituels ou éducation alternative ou politique. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on n'aborde pas. Mais par contre, des sujets un peu plus philosophiques comme l'écoféminisme, comme la quête de sens dans son travail, ça, c'est pour le coup des sujets qu'on va aborder. Et en plus, je trouve que vous arrivez bien à marcher sur cette corde qui est assez étroite et dans laquelle on peut malheureusement trop vite tomber quand on va dans ce genre d'événement, qui peut être en fait de verdir un peu notre surconsommation et de dire, bah voilà, en fait, tous les stands vont être là pour que vous poussiez à acheter, acheter, acheter. Il y a effectivement des endroits où on peut aller acheter de beaux objets, des choses auxquels on n'a pas forcément tout le temps accès, donc de les avoir regroupés, ça fait du bien, souvent qu'en plus, c'est en octobre, donc ça tombe bien, ça prépare les fêtes de Noël, mais il y a aussi un stand pour une association, il y a un stand, comme je le disais, pour la réparation de vélos, il y a aussi des pistes, des perches qui sont tendues pour passer à l'action, pour se sensibiliser à des sujets qui sont forts, et donc je trouve que ça fait partie des rares événements où, en gros, on ne nous considère pas seulement comme une carte bleue sur pattes. Toi, tu l'avais réfléchi, ça, ou finalement, ça c'est venu de manière assez intuitive? Oui, alors en fait, tu as raison de le préciser. Hein, l'idée, c'est vraiment pas d'être dans la surconsommation, parce que nous, vraiment, ce qu'on prône dans l'association, c'est une consommation qui est adaptée à ses besoins. C'est aussi se tourner vers, si on a besoin de biens, bah, vers du second main, réparer. Enfin voilà, on est vraiment dans cette optique-là. Et si on a voilà, besoin d'un objet potentiellement neuf, eh bien, se tourner vers des structures, vers des personnes qui proposent des objets faits à partir voilà, de matériaux écologiques ou de récupération, de choses comme ça. Donc effectivement, enfin, en tout cas, on essaye vraiment de diffuser ce message pour pas, comme tu disais, inciter à surconsommer et du coup aller à l'encontre de ce qu'on veut prôner, mais voilà, de le faire avec justesse. Et tu as évoqué aussi d'autres... comment dire, d'autres sujets hein, qu'on peut trouver, hein, mais on peut aussi du coup rencontrer des structures qui proposent pas forcément des choses à acheter, mais des services. Hein, donc c'est pour ça qu'on retrouve tous les ans la Nef, on retrouve des mutuelles comme la Maïf, on retrouve des services de réparation d'ordinateurs ou de location de Fairphone, hein, donc des téléphones qui sont un peu plus éco-responsables que d'autres, donc aussi qui changent notre manière de... Enfin, notre relation avec les objets, c'est-à-dire aussi on propose en fait pas forcément d'acheter mais de louer des téléphones ou du matériel informatique et non d'en avoir la propriété. Et avec, je disais tout à l'heure un peu en introduction, l'idée de faire en sorte que ce fonds il coïncide aussi avec une forme qui fait que déjà c'est un événement qui est très joyeux, il y a une équipe de bénévoles qui est là pour nous accueillir, pour créer du lien, et puis forcément un impact qui j'imagine a été fait, enfin je le sais même, qui a été calculé, mesuré et réduit au maximum. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, donc sur les impacts écologiques, on travaille pas mal là-dessus parce qu'on veut bien sûr que l'événement soit en phase avec ce qu'on prône. Hein. Donc notamment, alors nous, ce qui va avoir le plus d'impact dans notre événement, ça va être tout ce qui est déchets. Hein, donc c'est pour ça que on va réduire au maximum tout ce qui est flyers, etc. Enfin voilà, on va vraiment travailler là-dessus. Et après sur place, là par exemple cette année, on a testé la consigne avec une jeune entreprise qui s'appelle Daba pour proposer aussi des repas consignés. On récupère les déchets organiques avec WeCompost qui est aussi une jeune entreprise lyonnaise. On a des supports de tri Aremax pour aussi gérer les différents types de déchets. Donc voilà, on n'est pas encore à zéro déchet, mais en tout cas chaque année on essaye effectivement de s'améliorer de plus en plus. Vous avez réfléchi aussi à la manière de faire venir les participants au festival avec, je ne sais pas, une plateforme de covoiturage, pousser particulièrement les transports publics, c'est des choses que vous avez considérées ? Alors, on a chaque année, effectivement, des enquêtes auprès des participants pour savoir d'où ils viennent. Et effectivement, la grande majorité vient de Lyon ou de proches, ou en tout cas de la métropole de Lyon. Et en gros, en grande majorité, ils viennent en transport en commun, en vélo, enfin, en fait... peu de gens viennent en voiture. On n'a pas forcément... Enfin, on l'avait fait une fois de mettre notre événement sur une plateforme, je crois, régionale de covoiturage. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément refait cette année. Mais voilà, il n'y a pas... Voilà, je pense que ça concerne très, très peu de monde. Donc, et puis, on incite aussi beaucoup à venir en transport en commun avec les TCL. Et on est en plus en partenariat aussi avec les TCL, justement, pour que les gens prennent les transports en commun. Oui, c'est les bus de la métropole. Donc, en fait, tu t'es un peu créé ton événement sur mesure, quoi. L'événement qu'il n'y avait pas à Lyon et que tu avais envie de voir. Ouais, exactement. Et c'est ce que je dis assez souvent, en fait. J'ai créé l'événement auquel j'aurais rêvé participer. Malheureusement, en pratique, je peux pas le faire parce que... parce que tu cours de partout. Je cours de partout. Je suis dans les coulisses. Donc voilà, quand on est côté organisateur, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que finalement, on peut pas profiter à fond de l'événement. Mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment, comme tu as dit, je me suis créé mon événement rêvé. Et depuis, tu es même devenue un peu consultante, un peu experte de ces sujets, puisque tu participes à d'autres événements, notamment le printemps des docs, où tu interviens, ouais, c'est ça, en tant que consultante, facilitatrice d'engagement, je sais pas comment tu l'appelles. Effectivement, comme tu as dit, on est approché par d'autres organisateurs d'événements, voilà, qui sont à la base pas vraiment dans cette mouvance écolo, mais qui ont envie d'intégrer cette dimension-là. Donc avec le Printemps des Docs, ça fait 2 ans qu'on collabore ensemble pour justement proposer aux participants de ce très grand salon un espace avec des exposants éco-responsables, avec un programme de conférences et d'ateliers sur ces sujets pour aussi sensibiliser les participants. Donc nous, on est aussi très contents d'intervenir dans ces événements, voilà, qui sont pas étiquetés initialement écolo, hein, donc qui font venir plein de personnes différentes, pour toucher aussi des personnes qui ne seraient pas forcément spontanément venues au Green Earth Festival, qui est clairement affiché écolo. Mes 2 dernières questions pour toi, Clémentine, avant de partir en 2030 glorieuse. Est-ce que tu sens que c'est un réel engouement de la part de ce type d'événement? Aussi d'associer la forme, parce que en fait ils sentent que les questions écologiques, elles sont primordiales dans la tête des Français, qui veulent aussi pousser des personnes qui parlent de ces sujets, des marques. Tu sens qu'il y a un réel engouement ou finalement c'est pour l'instant encore un épiphénomène? Je ne saurais pas vraiment répondre à la question, en fait. Oui, enfin, il y a quand même une prise de conscience des événements, mais après, je ressens pas non plus une multiplication d'événements écolo. Enfin, vous êtes pas noyé de demandes de la part de toute la France. Non, enfin, là où on est beaucoup sollicité, c'est dans des événements. Associative, où on va nous proposer plutôt là d'avoir un stand pour présenter nos actions, pour sensibiliser à la consommation responsable, qui est aussi un peu le cœur de l'association. Donc là, oui, il y a un engouement de différentes structures, événements pour mettre en lumière des initiatives. Mais après, sur le côté événementiel, donc, comme tu disais, on n'est pas noyé de demandes. Et pour terminer, s'il y avait un événement en France qui est pour toi un peu la référence sur ces sujets, est-ce que tu as un nom comme ça qui te vient? Je pense là, en région lyonnaise, au Salon Prime Vert, qui est un événement historique sur ces questions écologiques. Hein. Alors, je ne sais plus si ça fait 25-30 ans, dans ces eaux-là, que l'événement a lieu. C'est un événement qui a lieu dans le parc des expositions de Lyon, qui est vraiment énorme. Hein. Il y a 500 exposants par an. Nous, en tout cas, ce n'est pas notre ambition de devenir du Prime Vert, ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même un événement de référence et très militant sur ces questions-là. Ok, super. Merci Clémentine. Avant de partir en 2030 glorieuse, on marque cette petite pause qu'on a l'habitude de marquer, une respiration qui moi me plaît beaucoup. Tu es venue avec une lecture qui ouvre une fenêtre qui représente un peu cette vision, et paf, on entend le livre qui est posé sur la table, qui présente un peu cette vision que tu as des 2030 glorieuses avec des valeurs qui te sont chères. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Clémentine? Alors, je vais lire un extrait de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. D'une petite heure de marche, notre chemin en coupa un autre, à travers une sorte de place ronde parfaitement vide, mais dans le creux de l'un des quarts de cercle, il y avait un banc de pierre. Ma mère y fut installée, et mon père déplia son plan. Voilà, dit-il, l'endroit où nous avons quitté le tramway. Voilà l'endroit où nous sommes en ce moment. Et voilà le carrefour des quatre saisons, où notre déménageur nous attend, à moins que nous ne soyons obligés de l'attendre. Je regardais avec étonnement le trait double qui figurait notre chemin. Il faisait un détour immense. Les cantonniers sont fous, dis-je, d'avoir fait une route aussi tordue. Ce ne sont pas les cantonniers qui sont fous, dit mon père. C'est notre société qui est absurde. Pourquoi ? Demanda ma mère. Parce que cet immense détour nous est imposé par quatre ou cinq grandes propriétés que le chemin n'a pu traverser et qui s'étendent derrière ces murs. Voilà, dit-il en montrant un point sur la carte, notre villa. À vol d'oiseau, elle est à 4 km de la Barrasse, mais à cause de quelques grandes propriétaires, il va falloir en faire 9. C'est beaucoup pour les enfants, dit ma mère. Cependant, mon père expliquait à ma mère que dans la société future, tous les châteaux seraient des hôpitaux, tous les murs seraient abattus et tous les chemins tracés au cordeau. Alors, dit-elle, tu veux recommencer la révolution ? Ce n'est pas une révolution qu'il faut faire. Révolution, c'est un mot mal choisi, parce que ça veut dire un tour complet. Par conséquent, ceux qui sont en haut descendent jusqu'en bas. Mais ensuite, ils remontent à leur place primitive, et tout recommence. Ces murs injustes n'ont pas été faits sous l'Ancien Régime. Non seulement notre République les tolère, mais c'est elle qui les a construits. J'adorais ces conférences politico-sociales de mon père, que j'interprétais à ma façon, et je me demandais pourquoi le président de la République n'avait jamais pensé à l'appeler, tout au moins pendant les vacances, car il eût fait en 3 semaines le bonheur de l'humanité. Clémentine, pourquoi tu nous as lu ce passage ? Qu'est-ce qui t'était cher là-dedans ? Alors, déjà, c'est un livre avec lequel j'ai beaucoup d'affection parce que je l'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. En plus, je viens de Marseille, alors il y a beaucoup de références à la Provence. Ça s'entendait, ton accent revenait à, c'est vrai à vitesse grand V, c'était marrant. Ça m'a fait sourire parce qu'il y a une mention de tramway. Enfin, dans le passage, justement, ça parle du tramway qui était un peu l'innovation du siècle. Et c'est vrai que j'ai pas mal bossé dans le secteur des tramways. Et après, vous avez dû entendre aussi certaines références à ce qu'on retrouve encore actuellement. Hein, donc, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il parlait de la propriété qui s'accapare des espaces de terre et qui fait en sorte que, des espaces ne sont plus utilisables. Par d'autres, donc il parlait des grands détours à faire à pied, et puis aussi il parlait un peu de la société future, donc ça faisait un peu un clin d'œil aussi à ce qu'on va imaginer pour les 2030 glorieuses, où effectivement il avait pas tort, hein, parce qu'il parlait de châteaux transformés en hôpitaux, enfin, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Enfin, et encore, même maintenant les hôpitaux deviennent des hôtels, donc ça il avait pas encore anticipé, mais. Mais voilà, je crois que c'était assez précurseur. Et puis, cette question de la révolution qui n'est pas forcément l'idée. Enfin, bon, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour et que c'était intéressant. Mmh. Et ça y est, on y est dans ces mondes de demain. À la gloire de mon père, donner cet élan, ce tremplin vers les 2030 glorieuses, on y est. On sait que c'est un exercice qui est difficile pour nous d'imaginer à quoi pourraient ressembler les mondes de demain. On est un peu emprisonnés. Par le discours ambiant, par aussi celui qui est proposé par les médias, qui est majoritairement conservateur, réactionnaire, et qui nous empêche aussi de nous ouvrir ces perspectives vers un destin commun qui serait plus enthousiasmant. Donc on va faire cet exercice qui n'est pas évident, mais bon voilà, on est en 2030 glorieuse, Clémentine. Tout ce qu'on dit au présent correspond à ces 2030 glorieuses. Elle me dit « Ok, ça y est, c'est bon, on y est, t'y es ». Et donc du coup, quand on regarde à travers la fenêtre, on voit un monde où on aurait réussi à concrétiser ces utopies réalistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Aujourd'hui, en 2030, on est dans des... Enfin, actuellement, en tout cas, dans des sociétés où il y a beaucoup plus de liens entre les personnes, de liens avec ses voisins, voilà, on s'entraide, de liens avec ses commerçants. Donc dans le monde du passé, quand on allait faire nos courses en grande surface, voilà, c'était un peu impersonnel, on entendait les bips des machines, et puis voilà, il n'y avait pas forcément de lien, alors qu'aujourd'hui on a vraiment retrouvé le lien avec les personnes qui produisent nos vêtements, avec les personnes qui produisent notre alimentation, avec les personnes à l'épicerie qui nous vendent les produits. Donc ça, je pense que c'est pour moi un mot fort en fait qui caractérise cette année 2030, c'est le lien entre les personnes. C'était quelque chose déjà auquel tu te dédiais il y a plus de 10 ans, puisque tu travaillais à créer des événements pour recréer du lien à soi-même, du lien aux autres, du lien aux initiatives locales. Et à quoi ressemblent justement ces événements qui continuent à exister autour de la culture, autour de l'alimentation, de plein d'autres choses? Tu peux nous les décrire, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, là, ce qui a changé par rapport à 2020, c'est qu'on n'a plus besoin de faire énormément de pédagogie, parce que les personnes, voilà, à force, elles ont compris que c'est pas forcément la surconsommation qui va leur apporter du bonheur, qu'il y a d'autres manières de faire que d'acheter des produits neufs qui ont des impacts écologiques et humains derrière. Donc en fait, on est plus dans cette démarche de sensibilisation sans cesse, mais on est plus dans la mise en lumière de chouettes projets. Alors, en disant, il y a une nouvelle créatrice de vêtements avec des tissus recyclés qui s'est créée. Regardez comme c'est intéressant ce qu'elle fait. Il y a un nouveau restaurant qui s'est ouvert. Toujours bien sûr dans la démarche avec des produits locaux, des produits bio, des menus végétariens, etc. Et donc voilà, on est plus maintenant dans la mise en lumière de toutes les nouveautés très chouettes. Plus dans la célébration aussi, j'imagine, non? Il y a plus de place peut-être à la fête, à l'art, à la musique, à tout ça? Oui, c'est ça. Parce que effectivement, nos événements ont évolué aussi, puisque voilà, on s'est rendu compte que maintenant, il n'y avait plus besoin de faire 70 conférences et ateliers par week-end pour sensibiliser, mais que du coup, toute cette énergie que les gens avaient à se rassembler autour de ces thématiques-là, effectivement, du coup, on peut donner plus de place à des choses, en tout cas, à une programmation culturelle. Et à de la créativité aussi. J'imagine bien que, effectivement, 10 ans en arrière, les gens avaient besoin de se former à ces techniques, à ces défis qui nous attendaient, et qu'aujourd'hui, étant donné que c'est tellement intégré dans notre quotidien, on a du temps pour remettre de la créativité. Donc c'est vrai que dans ces ateliers, on nous forme à des techniques de dessin, on nous forme à la poterie, ça. on nous forme à l'upcycling. Voilà, des nouvelles recettes, donc effectivement, des nouveaux savoir-faire, parce que c'est des choses que, dans tous les cas, on ne pourra jamais tout savoir, mais effectivement, on peut apprendre à développer des savoir-faire qui nous plaisent. Ouais, ça me paraît essentiel, et encore une fois, j'insiste, hein, mais j'imagine aussi beaucoup plus de musique, beaucoup plus de théâtre, peut-être d'improvisation. Ouais, c'est ces moments aussi qui font le sel de la vie et qu'on avait vraiment trop mis de côté en 2021, puisque c'était un peu vu comme superficiel, c'était un peu vu comme annexe. Effectivement, ouais. On l'a vu en plus dans les années 2020, 2021 avec le Covid, toute la culture est passée un peu à la trappe, et c'est vrai que ça a fait du mal à ce secteur, et du coup c'est vrai que dans ces dernières années, il y a quand même eu un gros élan de la part des personnes, voilà, qui voulaient aussi un petit peu retrouver, comme tu disais, leur créativité, développer l'art, aller vers plus de culture. Donc c'est vrai que maintenant, en 2030, c'est vraiment chouette, parce qu'il y a ces possibilités de s'ouvrir à plein de choses à tous les coins de rue. Et la logistique de ces événements, à quoi elle ressemble? Comment on a réussi à les rendre les plus légers possibles, et peut-être même vertueux, dans cette logique aussi de régénération du lien, on en a parlé, mais peut-être aussi des écosystèmes? À quoi ça ressemblerait? Alors en termes de logistique, déjà... tous les exposants qui viennent à nos événements, hein, bien sûr, en 2030, là, on n'a plus de voitures diesel, en tout cas. Donc, on a, par exemple, des triporteurs à vélo pour amener le matériel. Toute notre restauration, elle est complètement dans la démarche zéro déchet. Hein, donc, en fait, on n'a même plus besoin de mettre de poubelles parce que... voilà, les personnes viennent naturellement avec leur boîte, leur couvert pour le repas. Donc ça c'est vrai que pour nous ça a été une belle avancée. Ça a simplifié aussi notre flux des déchets. La matière organique qu'on peut potentiellement récupérer, elle est revalorisée pour ensuite derrière faire du compost et fertiliser. Donc effectivement, comme tu te dis, on est vraiment sur des événements maintenant qui sont sans impact au maximum. La technologie low-tech est là au maximum aussi. Hein. Les toilettes sèches sont évidemment partout. Il y a des personnes qui, je dis n'importe quoi, peuvent faire des jus de fruits grâce à des vélos. Et donc on se retrouve avec une énergie qui est très très peu utilisée, ou quand elle est utilisée, en fait, peut-être aussi produite, notamment tu en parles, avec des vélos, avec des panneaux solaires qui seraient installés sur les triporteurs. Et donc on a des événements très légers et à la fois, je le disais aussi, qui participent à la régénération. Hein. Ça a vraiment été un axe fort de nos 2030 glorieuses. On a tellement détruit le vivant ces dernières décennies qu'aujourd'hui, ces événements sont aussi contributifs. Moi, je les imagine, je les vois, je sais que ces événements, ils sont dans des lieux différents chaque année, des lieux qu'on a besoin de redonner à la nature. Et donc, avant l'événement, il y a aussi tout un tas de bénévoles qui sont mobilisés pour aller nettoyer les espaces, enlever la pollution sauvage, pourquoi pas débétoniser certaines parties, construire un parc, construire des endroits où on pourrait avoir des arbres fruitiers. Et donc, en fait, on rend ces endroits-là à la communauté, on bloque des rues entières pour organiser ces événements. Et quand l'événement part, le lieu a été radicalement transformé. Et petit à petit, comme ça, chacune de ces rencontres, chacun de ces rassemblements sert aussi à remettre le végétal au cœur de la ville. Ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Tu le vois aussi comme ça, Tu as d'autres choses à apporter par rapport à cette capacité contributrice des événements? Oui, c'est vrai que c'est une dimension intéressante que tu soulèves. Effectivement, l'idée de l'événement, c'est pas que ce soit quelque chose d'éphémère qui arrive et puis ensuite quand l'événement repart, il n'y a plus rien. Donc effectivement, si l'événement peut apporter aussi une pierre à l'édifice de manière plus pérenne et transformer un espace, hein, comme tu disais par exemple dans les rues, débétoniser, installer des implantations florales dans les trottoirs, des bacs potagers pour les habitants ou si c'est dans un espace naturel. Ramasser les déchets et puis rendre l'espace beaucoup plus propre que ce qu'il était avant. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on développe depuis quelques années et qui commence à bien fonctionner. Des événements plus solidaires aussi, puisqu'on arrive à faire en sorte qu'ils aillent dans ce qu'on appelait à l'époque les quartiers prioritaires de la ville. On arrive aussi à faire venir des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire, bénéficiaires aussi de tout un tas d'objets qui sont collectés, qui leur sont vendus à bas coût. Il y a souvent une recyclerie pas loin. Il y a souvent aussi cette envie de reconnecter les gens, quel que soit leur niveau social. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que les événements sont gratuits, que le maximum de personnes de tous horizons puissent venir. Donc, effectivement, hein, quand on a des ateliers qui font de l'insertion, par exemple, qui viennent. Et aussi, nous, dans nos événements, on fait un effort particulier à ce que les personnes puissent venir, quel que soit leur handicap. Hein. Donc, on a tous nos événements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. On fait en sorte aussi que s'il y a des personnes aveugles et malvoyantes, par exemple, que vraiment ce soit le plus... Il y a des bénévoles pour les accompagner, bien sûr. Que soit le plus inclusif possible. Donc pour nous aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est devenu tellement enthousiasmant, ce genre de rencontre, qu'il y a aujourd'hui des personnes qui en font leur vie à plein temps avec des caravanes itinérantes qui, comme ça, comme à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'était il y a des dizaines, voire des centaines d'années, se déplaçaient à travers la France, à travers l'Europe, avec tout leur barda, et des chevaux, des carrioles, et qui, comme ça, vont de village en village pour annoncer les bonnes nouvelles, partager les histoires, partager les nouvelles techniques aussi qui se développent sur les territoires. Notre vie en 2030 glorieuse est beaucoup plus territorialisée. Et donc, en fait, on a aujourd'hui retrouvé le goût de ces caravanes qui viennent se poser sur la place du village et qui apportent des nouvelles d'ailleurs. Ça aussi, hein, c'est à travers ces événements qu'on se reconnecte et qu'on sent cette place qu'on a dans le monde. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que bah là, en 2030, on a aussi ces événements qui se sont diffusés. Mais l'idée, effectivement, c'est pas que dans une ville, y ait l'équipe de l'événement qui aille ensuite de partout pour faire son événement, mais c'est plutôt que justement chaque lieu, chaque territoire et ces événements-là, festifs, culturels, et qui célèbrent aussi toutes les belles énergies locales. Et effectivement, toujours avec, tu l'as dit, la communication, que ce soit par des personnes qui vont faire le tour ou d'autres moyens, mais que toutes les bonnes idées se diffusent et puissent être appropriées par les uns et les autres. Bah d'ailleurs, c'est l'association que tu dirigeais, hein, The Greener Good, qui avait montré la voie. Je ne me souviens plus de l'année, il faudra que tu me la reprécises, mais en mettant toute l'organisation, la logistique du festival que vous organisiez à l'époque en Creative Commons sous licence libre, vous mettiez tous les outils en avant, vous les rendiez disponibles de manière à ce que les gens qui avaient envie de dupliquer cette rencontre ce week-end à l'année ou même plus régulièrement dans leur ville, partout sur le territoire, puissent le faire. Redis-moi quand vous avez fait ça déjà. Alors on a fait ça en 2024. Ah oui, c'est ça, 2024. L'idée de rendre aussi libre l'accès à tout savoir que vous aviez capitalisé. Vous étiez vraiment devenus des experts sur le sujet. Et j'imagine tous les tableaux Excel, les demandes de financement, les budgets, les organisations, les plans de calendrier absolument fous que vous aviez développés et que vous avez rendus comme ça accessibles. Oui, voilà, c'est ça, dans l'idée de faciliter la vie des organisateurs dans d'autres territoires, même si après, c'est quand même il faut pas se le cacher, hein, un énorme boulot, parce qu'il faut toujours adapter au lieu, au territoire, aux personnes. Donc voilà, c'est toujours un travail qui recommence presque de zéro, mais quand même pour aider les personnes en leur fournissant les outils de base, effectivement, on leur a fourni tout ce qu'on avait pu développer. Si bien que ça a lancé une dynamique absolument folle. On parlait de rencontres ponctuelles qui se sont effectivement mis au diapason de l'urgence et de cette nécessité de sobriété, de vertu, mais aussi de créativité, de joie. Hein. On le disait, c'est vraiment important de véhiculer ce dynamisme lors de ces rencontres. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça a infusé toute la société et ces rencontres plus régulières, si bien qu'aujourd'hui, les concerts, les rencontres sportives, mais aussi les lieux plus établis, les musées, les écoles, se sont aussi mis au diapason. Oui, en fait, dans les années 2000, au début des années 2020, en fait, on a été contacté par plein de structures qui voulaient justement intégrer ces dimensions et avoir aussi des exemples de bonnes pratiques en termes de logistique, de gestion des déchets, de communication responsable. Et donc, on a vraiment travaillé en collaboration avec des structures qui n'avaient rien à voir initialement avec notre association pour aussi les accompagner dans leur transition et pouvoir faire en sorte aussi que ces structures proposent des événements avec aussi tous les impacts positifs qu'on connaît. Donc aussi même des entreprises qui ont pu organiser en interne des événements pour leurs salariés. Sans compter les grands salons qu'on imaginait à l'époque, etc. Qui ont disparu. Hein. C'est vrai qu'avant, on avait des salons internationaux qui se tenaient dans des grandes villes, à Paris, à Lyon, qui rassemblaient des personnes du monde entier, qui venaient en avion. Ça a complètement disparu parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus du tout pertinent et plus du tout en adéquation avec les enjeux écologiques qu'on avait à l'époque. Même si on a continué quand même à avoir ces rassemblements un peu comme On l'avait avec la... Ah, je suis en train de perdre le nom. C'était pas la foire universelle, l'exposition universelle. Parce que ce sentiment d'appartenir au monde, il est important. Les gens y viennent en train, en bateau. C'est à nouveau redevenu quelque chose d'extraordinaire où la communauté mondiale est contente justement de se célébrer et de faire communauté. Mais c'est vrai que sinon, la plupart du temps, on est revenu à une échelle locale, territoriale, nationale, voire au pire avec les voisins suisses, les voisins belges, les voisins espagnols, mais on a repris une échelle humaine, en fait. Oui, tout à fait. Et aussi, en 2030, même si voilà, toutes les outils low-tech, etc., se sont énormément développés, on garde quand même une connexion numérique avec voilà, d'autres territoires. Enfin, on peut aussi tout à fait discuter avec des gens à l'autre bout du monde sans avoir à se déplacer. Et donc, ce qui permet quand même aussi voilà, d'enrichir les échanges et de partager les bonnes pratiques. Tu fais quoi, toi, Clémentine, en 2030 Glorieuse ? Tu es devenue une personne qui, justement, forme tous les organisateurs, les organisatrices qui sont soucieux de mettre aussi les événements, les rencontres qu'elles organisent au diapason de cette urgence ou pas du tout, t'as complètement bifurqué. Alors en 2030, moi je continue à organiser certains événements qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'aime faire, donc voilà, j'ai continué à le faire depuis toutes ces années et puis voilà, j'accompagne aussi les organisateurs d'événements, enfin en tout cas voilà, les personnes qui ont envie elles-mêmes de monter un projet, parce qu'effectivement l'accompagnement c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps et qui me tient à cœur aussi hein, de pouvoir aider les personnes qui ont une idée comme j'ai pu l'avoir en 2016 et les accompagner à ce que leur idée prenne vie en fait et devienne réalité. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je fais aussi. Ouais, l'ancrage local, il est clé et ton expérience, elle est fondamentale. Ça fait 45 minutes que les gens nous écoutent sur ces sujets, Clémentine. Si on revient en 2021 et qu'on regarde par la fenêtre et qu'on voit ce temps gris et que sans regarder la télévision, on sait que les perspectives là actuelles sont assez peu enthousiasmantes, qu'est-ce que tu donnes comme première perche pour que les personnes continuent à accélérer même vers ces 2030 glorieuses qu'on vient de dessiner ensemble. Qu'est-ce que tu leur suggères ? Je dirais que de garder la foi, hein, pas la foi religieuse, mais en tout cas la foi dans le fait qu'on peut faire changer les choses. Et j'en reviens encore une fois à l'échelle locale, hein, puisque pour moi, c'est vraiment le maillon, en tout cas l'échelle à laquelle on peut faire changer les choses. Et je dirais aux personnes de vraiment... s'entourer, parce que parfois voilà, les personnes se sentent ont des prises de conscience mais se sentent un peu seules parfois par rapport à leur entourage voilà, professionnel, amical, etc. Et du coup d'aller voir des personnes, que ce soit par le biais d'associations, d'actions, de différentes activités, et vraiment de s'entourer de personnes qui sont dans cette dynamique, qui sont dans cette énergie de faire bouger les choses. Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment aussi la clé pour garder son enthousiasme et sa volonté d'agir. Rejoindre un collectif à Lyon, par exemple, ça pourrait être quel collectif? Alors il y en a plein et en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des différents collectifs qui sont adaptés aussi à ce qu'on veut faire, hein, c'est-à-dire des collectifs qui vont nous accompagner dans des actions. Donc je pense à l'association Antilla qui a la démarche ambassadeur du changement aussi, donc qui permet à des personnes d'être accompagnées pour aussi faire des actions à leur échelle. Après on peut penser aussi à des actions un peu plus punchy. Donc je pense où, par exemple pour aller à l'encontre d'installations d'entrepôts Amazon des actions plus de désobéissance civile, hein, donc il y a Alternativa, il y a des mouvements comme Extinction Rebellion qui sont des mouvements nationaux, hein, qui sont des mouvements nationaux et, ouais. Effectivement, ANV et qu'on COP21. Retrouve localement dans plein d'endroits et du coup voilà, donc l'idée c'est vraiment de voir qu'est-ce qui nous correspond, hein, parce que ça ne correspond pas à tout le monde d'aller faire voilà, des actions, par exemple, de désobéissance civile, mais peut-être que ça correspond plus à des personnes d'aller faire de la sensibilisation, de faire des ateliers, de, par exemple, de s'engager avec l'association Zéro Déchet Lyon pour promouvoir aussi la démarche Mon commerçant m'emballe durablement pour justement mettre en lumière les commerçants qui prennent les contenants. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Merci Clémentine. Merci Julien. Et voilà, cet épisode avec Clémentine Mossé de The Greener Good vient de se terminer. Je suis très contente d'avoir donné la parole à Clémentine, que je connais depuis longtemps. On se suit, on se voit évoluer et de pouvoir mettre en avant son engagement, mais aussi son parcours qui, encore une fois, est source de belles inspirations, je trouve. Était quelque chose qui me tenait à cœur et voilà, c'est fait. Je pense que vous avez vu comme moi que Clémentine, elle a envie de mettre en avant la création de liens, de rassembler les gens, de créer ces événements festifs qui sont primordiaux au moment où on porte ces sujets écologiques, parce que l'écologie, elle se met au service du vivant dans sa globalité, donc de l'être humain, et elle est source de joie, elle est source de plaisir, et c'est vraiment vraiment ce que je ressens à chaque fois que je participe au festival The Greener Good, et c'est un festival qui, je l'espère, va créer plein de petits et va se retrouver partout en France. Je pense que ça donne aussi à voir encore un nouveau métier et pour toutes les personnes qui travaillent actuellement, pourquoi pas, hein, dans l'événementiel, de leur donner aussi de l'espoir dans la possibilité de faire pivoter, de verdir, non pas en tombant dans le piège du greenwashing, mais vraiment en mettant du sens dans son travail. Donc n'hésitez pas à contacter Clémentine, à vous inspirer de ce qu'elle fait, à venir au prochain festival Greener Good, parce que ça permet vraiment de s'inspirer des choses qui marchent, des choses qui existent, pour transformer à son tour son quotidien professionnel et sa structure et les activités qu'on réalise tout au long de l'année. Moi, forcément, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !